revient tard. Pars vite. Et reviens tard. De Fred Vargas. Adaptation. Catel Guillou. Pars vite. Et reviens tard. Pars vite. Troisième épisode. Pendant que Joss a emménagé dans l'hôtel de Decambray, les annonces étranges ont continué à se multiplier dans son urne. Decambray a obtenu de son nouveau locataire qu'il lui transmette ses messages afin de pouvoir les étudier plus en détail. De son côté, le commissaire Adamsberg prend de plus en plus au sérieux l'histoire des grands chiffres 4, noirs, peints à l'envers sur les portes d'appartements. D'autant que plusieurs immeubles ont été touchés à travers la capitale. Avec Danglars, son adjoint et un photographe, il s'est rendu sur les lieux pour s'assurer qu'il ne pouvait s'agir d'une blague ni même d'un geste artistique. Et Danglars, comment il va ? Il arrive à s'en sortir tout seul avec ses 5 mômes ? Quand je pense que sa femme l'a quitté en lui laissant un enfant qui n'est même pas le sien. Jean-Baptiste, tu m'écoutes ? Jean-Baptiste, tu dors encore ou quoi ? Non, excuse-moi. Tu disais ? Il y a quelque chose qui te tracasse ? J'aurais mieux fait de ne pas venir hier soir, c'est ça ? Moi non, qu'est-ce que tu racontes ? Non, c'est à cause de cette histoire de 4. De quoi ? Des grands 4 noirs peints à l'envers sur les portes d'immeubles dans divers coins de Paris. Un artiste interventionniste. C'est ce que pense aussi Danglars. Mais ça ne colle pas. Regarde. Est-ce que ça t'évoque quelque chose ? C'est joli, hein ? Joli ? Non. Non, Camille, ce n'est pas un joli, non. Bah alors, ne me demande pas ce que je pense, puisque t'es si sûre de toi. Non, mais laisse ça, voyons. Je fais la vaisselle plus tard. Femme, intelligence, désir, égale Camille. Attends. Repasse-moi ta feuille. Tiens. J'ai déjà vu ça quelque part. Dans un livre. Chez l'ami d'une amie. Quel genre de livre ? Je sais pas. Un livre d'histoire, probablement. Ce type travaille comme femme de ménage le jour et comme historien le soir. Normalement, c'est le contraire, non ? Normalement, par rapport à quoi ? Avicenne. Quoi ? Avicenne, le grand Avicenne, médecin et philosophe persan du début du XIe siècle. Mille fois copié et recopié d'Orient en Occident. Du latin parsemé de locutions arabes. Maintenant j'ai une piste. Encore un peu de lait dans votre café, patron ? Non, merci Lisbeth. Joss ? Je le tiens, le Guerne. Je le tiens. Mais qui ? Notre cuistre, je le tiens, nom de Dieu. Gardez-moi les spéciales du jour. Je file en bibliothèque. Quoi, en bas, dans votre bureau ? Mais non, le gars, je n'ai pas tous les livres. Ah, bon, oui. Après les dérèglements des saisons en leur qualité, comme quand l'hiver est chaud au lieu d'être froid, l'été frais au lieu d'être chaud, et ainsi du printemps et l'automne, car cette grande inégalité montre une mauvaise constitution et des astres et de l'air. Danglars, si vous deviez citer un chiffre, combien y a-t-il d'immeubles marqués de 4 dans Paris, à votre avis ? 3. Fois 4 égale 12. Je viens d'appeler une quarantaine de commissariats. En partant du principe que peu de gens auraient l'idée d'aller signaler ce genre de truc aux flics, sauf les inquiets, les désœuvrés et les obsessionnels, ce qui fait malgré tout du monde, on peut tabler sur au moins une trentaine d'immeubles déjà décorés par notre artiste. Toujours les mêmes 4 ? Même forme, même couleur ? Les mêmes. Toujours une porte vierge ? À vérifier par nos soins. Et vous avez l'intention de le faire ? Sans doute. Vous savez, je crois que j'ai déjà vu ce 4. Camille aussi. Où l'avez-vous vu ? Je ne sais plus. C'était ailleurs, il y a longtemps. Si ce 4 existe déjà ici ou là, il ne s'agit plus d'une création. Non. Une intervention suppose une création, non ? En principe. Alors qu'est-ce qu'on fait de votre interventionniste ? On l'éloigne. Et on le remplace par quoi ? Par un type dont on n'a rien à faire. Il me semblait qu'on avait été muté. Muté à la brigade criminelle, groupe homicide. Je me souviens. Dans ces 12 immeubles, est-ce qu'il y a eu crime ? Non. Violence, menace, intimidation ? Non, vous savez bien que non. Alors pourquoi on en parle ? Parce qu'il y a présomption de violence dans Glare. Dans les 4 ? Oui, c'est une offensive silencieuse et grave. Je vais rappeler le photographe. On va retourner faire une petite promenade ensemble. Pour le dîner. Alors ce soir, c'est poulet au mori et compote en dessert. Ça ira ? Très bien, Lisbeth. Le marin est dans le coin ? Joss, il y a le patron qui veut te parler. Alors, la pêche a été bonne ? Vous avez la spéciale de ce soir. Ah, attendez. Ben voilà. Je voulais garder au chaud. Quand apparaissent des champignons vénéneux, quand les champs et les bois se couvrent de toiles d'araignées, que le bétail tombe malade ou même meurt au pré, de même que les bêtes sauvages dans les bois, quand le pain a tendance à moisir rapidement, quand on peut voir sur la neige des mouches, vers ou moustiques, récemment éclos. Toujours les mêmes histoires de bestioles. Ce type était un peu obsédé, non ? Il faut qu'on parle. Ce soir au Viking. Je préférerais qu'on ne nous entende pas. Vous avez trouvé quelque chose ? Oui, mais la pièce est trop grosse pour nous. Bon, allons, c'est juste un bargeau. Non, le Guern. Parole de breton. À table ! Hé, Joss, tu viens voir le match ? Non, mon logeur. Il est là ? À table du fond, comme d'habitude. Ouais. J'ai localisé la citation d'Avicenne. C'est dans le Liber Canonis, le canon de la médecine. Dites-moi, de Cambrai, n'auriez pas été propre, vous aussi, comme votre père ? Comment vous le savez ? Comme ça. Moi aussi, je connais les choses de la vie. Ça vous emmerde peut-être que je vous raconte, le Guern, mais vous seriez bien inspiré d'écouter. Oh, j'écoute, j'écoute. Les autres auteurs n'ont guère fait que recopier Avicenne. Il s'agit toujours du même thème. On tourne autour, sans en dire le nom, sans y toucher, comme les vautours qui se rapprochent en cercle d'une charogne. Autour de quoi ? De l'objet unique, de toutes les spéciales, de ce qu'elles annoncent. Mais qu'est-ce qu'elles annoncent ? Prendre bien le petit calva, c'est ma tournée. Merci, Bertin. De rien. La peste. Quelle peste ? La peste. Vous voulez dire la grande maladie du vieux temps ? Elle-même. Seriez pas en train d'essayer de m'entuber par hasard ? Pourquoi faire ? Pour jouer au jeu du type qui sait tout et du type qui sait rien. au jeu du malin et du crétin, du culte et de l'inculte, du niard et de l'ignare. Parce qu'à ce jeu-là, je peux vous embarquer en haute mer, moi aussi, et sans gilet de sauvetage. Le Guéan, vous êtes un violent. Oui. J'imagine que vous avez déjà cassé la gueule à pas mal de monde sur cette terre. Oh, et sur cette mer. Je n'ai jamais joué au jeu du malin et du crétin. Qu'est-ce que ça rapporte? Du pouvoir. Bon, et on peut poursuivre? Si vous voulez. Mais qu'est-ce que ça peut me foutre au juste? Ces menaces vous appartiennent moralement. Si je vais trouver les flics demain, j'aime autant que vous soyez prévenus. Et je préfère aussi que vous m'accompagniez. Les flics? Mais vous perdez la boule, de Cambrai. Où vous voyez les flics là-dedans? C'est pas l'alerte générale, quand même. Et qu'est-ce que vous en savez? Écoutez-moi bien, de Cambrai. On a là un gars qui, selon vous, s'amuse à recopier des vieux papiers sur la peste. Un dingue, quoi. Si on devait causer aux flics chaque fois qu'un cinglé ouvre la bouche, on n'aurait plus le temps de boire. Premièrement, il ne se contente pas de recopier, il vous les fait crier. Il s'exprime sur la place publique anonymement. Deuxièmement, il s'approche. Il en est au début des textes. Il n'a pas encore abordé les passages qui contiennent le mot peste ou mal ou mortalité. Il traîne dans les préludes, mais il avance. Vous comprenez, Le Guerne? Il avance. Et vers quoi? Vers la fin du texte. C'est logique. On n'a jamais vu quelqu'un commencer un livre par la fin. Plusieurs livres. Et vous savez ce qu'il y a à la fin? Mais je les ai pas lus, moi, ces foutus bouquins. Des dizaines de millions de morts, voilà ce qu'il y a à la fin. Oh, parce que vous figurez que ce cinglé va tuer la moitié de la France. Je n'ai pas dit ça. Je dis qu'il progresse vers un développement mortel. Je dis qu'il rampe. Ce n'est pas comme s'il nous lisait les mille et une nuits. Il progresse, c'est vous qui le dites. Moi, je trouve qu'il fait plutôt du surplace. Ça fait un mois qu'il nous bassine avec ses histoires de bestioles. Si vous appelez ça progresser... J'en suis certain. Vous vous rappelez ces autres annonces? Celles qui racontent la vie d'un homme au quotidien? Quoi, les histoires sans queue ni tête? Justement, ça n'a rien à voir. C'est un gars, il mange, il baise, il dort. C'est tout ce qu'il a à dire. Ce gars, c'est Samuel Pepys. Je le connais pas. Je vous le présente, c'est un Anglais, un bourgeois, gentilhomme qui a vécu au XVIIe siècle à Londres. Il travaillait d'ailleurs, soit dit en passant, à l'office de la marine. Ah, un gros cul de la capitainerie. Pas exactement, mais peu importe. Ce qui compte, c'est que Pepys a tenu un journal durant 9 années, de 1660 à 1669. L'année que notre cinglé, comme vous dites, a déposé dans votre urne, c'est celle de la grande peste à Londres, 1665. 70 000 cadavres. Vous comprenez? Jour après jour, les spéciales s'approchent de la date de son explosion. On en est tout près à présent. C'est ce que j'appelle avancer. Oh bah, ils vont se marrer, les flics. Quand on va leur dire qu'un barjot s'amuse à nous lire un vieux journal de 3 siècles, c'est nous qui vont enfermer, oui. On va pas leur dire ça. On va les prévenir simplement qu'un inconnu s'amuse à annoncer la mort sur la place publique. Ensuite, ils se débrouillent. Au moins, j'aurai ma conscience honnête. Oh, ils vont se marrer quand même. Évidemment, c'est pour ça qu'on n'ira pas voir n'importe quel flic. J'en connais un qui ne se barre pas de la même manière que les autres. Et pas pour les mêmes choses. C'est celui-là qu'on ira voir. Que vous irez voir, si ça vous chante. Parce que mon témoignage, ça m'étonnerait qu'il l'accueille comme pain béni. C'est comme moi, de Cambrai. J'ai pas l'ardoise vierge. Moi non plus. Combien de mois? 6. 9. Purgé. Idem. Mais ce sont des mots, de Cambrai. Des mots! Ça n'a jamais tué personne! Au contraire, Le Guerne. Les mots ont toujours tué. Bah, depuis quand? Depuis qu'on crie à mort après quelqu'un et que la foule le pend. Depuis toujours. Très bien. Bon. Et si on me retire mon boulot? Allons, Le Guerne, vous avez la trouille des flics. Non mais dis donc, de Cambrai. Chez les Le Guerne, on est peut-être des brutes, mais les flics nous ont jamais fait peur. Bon. C'est qui celui que vous connaissez, là? Un homme que j'ai croisé 2 fois à l'occasion de cette... de mon... Ardoise? C'est cela. 2 fois, ça ne donne pas le temps de faire le tour d'un homme. Ça permet de survoler, et l'image aérienne était plutôt bonne. Au début, je l'avais pris pour un prévenu, ce qui est assez bon signe. Il aime les histoires vaseuses ou sans intérêt. Ouais. C'est du moins ce qu'un supérieur lui avait reproché à l'époque. Et en quoi un vaseux pourrait nous être utile? Il a du génie dans le vaseux, à ce que j'ai su. Je dis vaseux, je pourrais aussi bien dire ineffable. Oui, oui, bon, on va pas chipoter sur les mots. J'aime bien chipoter. Ah, ça, j'avais remarqué, oui. Entrez, messieurs. Asseyez-vous. Je me souviens de vous, Duc Wedic. Enfin, j'ai revu votre dossier après votre appel et ensuite, je me suis souvenu de vous. On avait un peu parlé tous les deux. Ça n'allait pas fort à l'époque. Je crois que je vous avais conseillé de quitter le métier, non ? C'est ce que j'ai fait. Vous avez trouvé quelque chose en sortant de prison ? Je me suis établi conseiller. Fiscal ? En choses de la vie. Ah oui, pourquoi pas ? Et ça marche ? Je ne me plains pas. Bon, j'ai pas que ça à faire, moi. Je pourrais vous raconter vos vies plus tard, non ? Voyez-vous, Duc Wedic, c'est une brigade spécialisée ici, en homicide. Mmh. Aussi, si votre ancienne histoire a connu des suites, si on vous inquiète d'une manière ou d'une autre... Mais il ne s'agit pas de moi. Mais il ne s'agit pas de crime non plus. Pas encore, tout au moins. Des menaces ? Peut-être. Des menaces anonymes. Qui visent directement quelqu'un ? Non, des annonces de destruction générale, de catastrophe. Encore un prédicateur du troisième millénaire qui annonce l'apocalypse ? Non. La peste. Tiens, ça change un peu. Et comment vous l'annonce-t-il ? Par téléphone ? Par internet ? Par monsieur. Monsieur Le Guerne est crieur de profession. Par son arrière-arrière-grand-père. Il déclame les nouvelles du quartier au carrefour Edgar Quinet de Lambre. Il vous l'expliquera mieux lui-même. Pour faire court, les gens qui ont quelque chose à dire me laissent des messages, et moi je les lis. C'est pas sorcier. Pour une bonne voix et de la régularité. Et donc ? Chaque jour, et à présent deux fois par jour, monsieur Le Guerne trouve ses petits textes annonciateurs de la peste. Chaque annonce nous rapproche de son explosion. Depuis quand ? Depuis le 17 août. Hein ? Vous en êtes sûr ? Le 17 août, au matin. Juste après la période de cale sèche. Et le message suivant ? Deux jours après. Le 19. Et puis le 22. Ensuite, les annonces se sont resserrées. Presque tous les jours, à partir du 24. Et deux fois par jour, depuis peu. On peut les voir ? Oui. Tenez. Oui, ben, je ne saisis pas ce qui vous fait penser à la peste. J'ai identifié ces extraits. Ce sont des citations tirées d'anciens traités de peste, comme il en a existé des centaines à travers les siècles. Le messager en est aussi un précurseur. Il ne va pas tarder à entrer dans le vif du sujet. On en est tout proche, dans ce dernier passage-là, celui... de ce matin, regardez. Le texte interrompt juste avant le mot peste. Que beaucoup se déplacent comme des ombres sur un mur, qu'on voit des vapeurs sombres s'élever du sol comme un brouillard. Trois petits points. Quand on remarque chez les hommes un grand manque de confiance, la jalousie, la haine et le libertinage. Pour tout dire, je crois qu'on y sera demain. C'est-à-dire cette nuit, pour notre homme, à cause du journal de l'anglais, Samuel Pepys. Continuez. Mais ces extraits datent de 1665, l'année de la grande peste à Londres, et dans les prochains jours, Samuel Pepys verra son premier cadavre. Demain, je pense. Et nous, on verra quoi, à votre avis ? Aucune idée. Rien, sans doute. Tout ça est fantasmatique. Je sais. La dernière peste en France s'est éteinte à Marseille en 1722. C'est déjà une affaire de légende. Bon, merci. Vous pouvez les garder. Et moi, je peux continuer à les lire ? Surtout, ne vous interrompez pas. Et passez me raconter la suite. Et s'il n'y a pas de suite ? C'est rare que quelqu'un lance quelque chose d'aussi organisé et biscorneux sans que cela débouche sur une manifestation concrète. Ça m'intéresserait de savoir ce que ce type va inventer pour aller plus loin. Allô ? Marc Van Dosler. Oui, c'est moi. Je peux vous parler ? c'est que je suis en pleine mission de récurage, là. C'est pourquoi. Je suis le commissaire principal Jean-Baptiste Adamsberg, brigade criminelle. Vous devez faire erreur. Pas du tout. C'est Camille Forestier qui m'a donné votre numéro. Ah, Camille. Oui, c'est à propos d'un dessin. Un signe plutôt énigmatique. Camille dit en avoir vu une reproduction chez vous, dans un de vos livres. C'est possible. Mais je m'intéresse essentiellement au Moyen-Âge. Je suppose que ce n'est pas pour votre rayon d'action dans la criminelle. On ne sait jamais. Et donc ? Si vous connaissez la signification de ce dessin, cela pourrait nous rendre service. Vous avez un fax ? Un fax ? Je suis en train de nettoyer une cantine, là. Bon, bon. Alors, est-ce que je peux vous envoyer une photo du dessin sur votre mobile ? Si vous possédez des informations, vous seriez très aimable de me les adresser en retour. D'accord. C'est pressé. Enfin, à vrai dire, c'est urgent. Je ferai au mieux, commissaire. Bon. Ah, mais... Comment ça marche, machin ? Danglars ! Vous savez vous servir de ce truc ? Ce truc s'appelle un smartphone, commissaire. J'ai besoin de prendre une photo du 4 pour l'envoyer au médiéviste. Quel médiéviste ? Vous occupez pas, faites. Pas mal, ouais. Bon, je l'envoie tout de suite. Et maintenant ? Maintenant, on attend la réponse. C'est qui ce médiéviste ? Un ami d'une amie de Camille. Il est femme de ménage le jour et historien le soir. Non. C'est pas le contraire, normalement ? Normalement, par rapport à quoi ? Ah. Alors. Monsieur, ce 4 inversé est une reproduction du chiffre dont on frappait autrefois les portes ou les linteaux des fenêtres en temps de peste. C'est un chiffre marchand, un chiffre d'imprimeur aussi. Mais il est surtout fameux pour sa valeur de talisman. On se protégeait du fléau en le traçant sur la porte de sa demeure. Eh ben... S'il fait le ménage aussi vite qu'il répond aux énigmes, ça doit être une tornade, le gars. Donc là, votre interventionniste est en train de jouer au con. Oui. Je m'en souviens maintenant. C'était dans la ferronnerie du balcon du tribunal de commerce de Nancy, un double 4 dont un inversé. Alors, qu'est-ce qu'on fait de votre artiste ? On le remplace par un illuminé qui craint la peste comme la peste et qui protège les maisons de ses concitoyens. Mais il la craint pas, il la prédit, il la prépare pas à pas. Il met en place un dispositif, il peut mettre à feu demain ou ce soir. Et où vous allez comme ça ? Place Edgar Quinet, dans le 14e. J'aimerais être à l'heure pour la prochaine criée. La criée ? Vous voulez acheter du poisson maintenant ? Attendez-moi. Pars vite. Pars vite. Et reviens tard. Et reviens tard. Si tant. Pars vite et reviens tard. De Fred Vargas. Tard. Adaptation. Catel Guillou. Conseillère littéraire. Emmanuel Chevrière. Tard. Pars vite et reviens tard. Est paru aux éditions Viviane Ami. Troisième épisode. Avec Marina Golovin, Jean-Quentin Châtelain, Claude Aufort, Serge Ranco, Philippe Duquesne, Patrice Bornand, Maud Le Grévelec, Rislaine Elcohen, Antoine Gouy. Et les voix de Lisbeth Arasi Mornay et Sylvie Bobette-Lévesque. Pars vite, reviens. Bruitage, Sophie Bissons. Prise de son, montage et mixage, Bernard Laniel et Sébastien Labarre. Assistant à la réalisation, Benjamin Hu. Réalisation, Cédric Ossire.